1723, activation orale, O. Transformez les stéréotypes suivants selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Les Français aiment bien manger. Et vous dites. En France, on aime bien manger. Allez-y. 2. Les Français ne voyagent pas beaucoup. En France, on ne voyage pas beaucoup. 3. Les Français ont mauvais caractère. En France, on a mauvais caractère. 4. Les Français vont souvent en vacances. En France, on va souvent en vacances. 5. Les Français ne font pas de sport. En France, on ne fait pas de sport. 6. Les Français sont moqueurs. En France, on est moqueurs. 7. Les Français ne travaillent pas beaucoup. En France, on ne travaille pas beaucoup.